Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et maintenant, c'est le moment de... Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Et oui, top de l'insolite ce matin qui concerne la musique. Bien sûr, on essaie toujours de vous trouver des tops de l'insolite assez génial dans le monde de la musique. Bien sûr, également, on peut diverger donc de thèmes, bien sûr, parce que ça peut être très intéressant. Mais celui d'aujourd'hui, donc, c'est quelque chose qu'on peut... pas nécessairement penser toujours, mais qui quand même peut être important. C'est important de s'en souvenir, en fait. On vous présente aujourd'hui, dans le top de l'insolite, sept modes qui ne doivent jamais revenir dans le milieu de la musique et qui doivent être absolument stoppés. Et on débute avec le numéro 7, l'exploitation des enfants dans la musique rap. En fait, c'est de faire rapper des jeunes, donc pour... non seulement faire de l'argent avec le tout, mais donc de partir une mode, entre autres. Ben, non seulement dans le rap, hein, on peut parler aussi du côté francophone de bien sûr, de Jordi, voilà, Jordi, c'est le nom que je cherchais. On retrouve également, donc, comme exemple, on peut retrouver Criss Cross, Another Bad Creation, ABC, Lil Bow Wow, donc, bien sûr, qui a enlevé Lil à Star parce qu'il est rendu plus vieux, Bow Wow. Et donc, il y a toujours des modes, là, ça ressort sur YouTube, entre autres, avec Bentley Green, des jeunes qui font du rap, et c'est très, très cute, c'est très, très cool. Et les gens achètent leur album, mais c'est des affaires qu'on regrette par la suite, c'est pas toujours bon, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est à éviter. Numéro 7, des choses qui ne doivent jamais revenir, les modes qui ne doivent jamais revenir dans la musique. Par la suite, au numéro 6, on a les pièces charitables faites par des super groupes, c'est-à-dire plusieurs chanteurs qui se rencontrent pour faire une chanson ensemble avec, entre autres, Do They Know It's Christmas, la pièce également donc de Michael Jackson. Et, hey, c'est incroyable. Je pense que c'est... Je m'en rappelle même plus tellement que je déteste We Are The World, voilà, tellement que je déteste cette pièce-là. Mais donc, il y a eu entre autres We Are The World plutôt, voilà. Do They Know It's Christmas, Feed The World et Voice That Care. Donc, c'est des super groupes qui s'arrangent pour, bien sûr, ramasser les profits, faire une chanson qui va amasser les profits. On retrouvait entre autres sur We Are The World, Michael Jackson, Lionel Richie, il y avait Bob Dylan, à moins que je me trompe, qui était là, Whitney Houston, donc tous ces artistes qui étaient très très populaires à l'époque, Kenny Rogers également qui était là, donc on a enregistré cette pièce-là pour rendre hommage donc aux gens qui meurent de faim un peu partout dans le monde dans les années 80. C'était la grosse bataille, on l'a oublié malheureusement avec le temps, mais donc on veut pas que ça revienne. Pourtant, We Are The World a été réenregistré par des artistes, oui, très mauvais. Entre autres, il y avait quelque chose comme Miley Cyrus, puis donc des chanteurs pas très bons là, qui ont refait une version de We Are The World. J'espère que c'est vraiment, vraiment mauvais pour Haïti. Et donc, mais il y a des choses par contre qui peuvent être faites, tu sais, comme mettons comme le Live 8 qui avait été assez génial, puisque c'est plusieurs groupes qui se présentent, mais encore là, il faut pas en faire trop, parce qu'à un moment donné, là, c'est sûr, ça devient une mode et on se tanne de ça. Numéro 5, des modes en musique qui ne doivent plus revenir, qu'on doit absolument empêcher, c'est utiliser un chiffre dans le nom du groupe. On donne comme exemple rapidement ici UB40, 112, 3T, oui, U2, Boys to Men, MN8, Maroon 5, entre autres. Donc, à un moment donné, il y a une limite là, de ce qu'on peut faire. Matchbox 20 également. À un moment donné, il faut arrêter ça, là, rajouter des numéros dans le nom parce que c'est hot. Là. U2 peut-être peut être. C'est correct. U2, ça fait longtemps que ça tourne. Ça a été les premiers, donc rajouter un chiffre dans leur nom et ça a pogné. On peut accepter ça. Mais à un moment donné, il y a vraiment une limite là, donc des choses qu'on peut faire avec ça, rajouter des numéros Non, c'est plus bon. Là. C'est une mode qui ne doit plus revenir, des groupes comme ça. Et même les groupes qui ont des numéros dans leur nom ne doivent plus revenir non plus. On a également donc numéro 4 des modes qui doivent ne jamais revenir dans la musique, les air metal. Ça, c'est tellement dégueulasse. C'est une période de la musique qui devrait être totalement effacée avec une grosse, grosse efface. On retrouve comme exemple Quiet Riot, Motley Crue, Wasp, Dokken, Twisted Sister, Warrant, Cinderella, Poison. La musique peut être pas pire. Bon, j'aime pas Motley Crue, mais Quiet Riot, quand même, ont connu une bonne période dans ses débuts. Donc, quand même, Twisted Sister, c'est acceptable. C'est pas quelque chose de trop bon. Moi, j'ai pas les disques de Twisted Sister sur mon mur. Je m'en vais pas faire autographier ça par des Snyder, rien. Mais quand même, ça pourrait être quelque chose d'intéressant comme musique. Mais la mode, le style vestimentaire, les cheveux surtout, c'est incroyablement laid. C'est bien sûr, il y a une grosse inspiration qui vient de Kiss, entre autres, qui ont été les premiers à se maquiller avec les grosses coiffures et tout. Mais non, c'était pas... C'est comme on disait avec Danny Janvier au Dîner de cons, c'était les Kiss des pauvres, ça, c'était Twisted Sister. Il n'y avait pas assez d'argent pour se maquiller au complet, pour avoir des costumes, donc on avait ce groupe-là. Mais donc, le hair metal ne doit pas revenir. Non, revenez pas. Merci, c'est beau. Pour passer dans un siècle, voir si ça va passer. Peut-être rendu là, mais quand même, donc, c'est malheureusement. Et il y a des chansons également qui sont sorties de cette période-là qui sont à rougir, en fait. Il y a entre autres Open Up and Say Ha de Poison, Cherry Pie de Warrant et Girls, Girls, Girls Motley Crue. D'ailleurs, le compositeur de la pièce Cherry Pie dit entre autres qu'à chaque fois qu'il entend cette pièce-là et à chaque jour, il se rappelle qu'il a écrit cette chanson-là, il a le goût de se tirer une balle tellement qu'il déteste. Mais c'était la mode, donc il y a des modes. On faisait du genre de metal pop et ça pognait beaucoup auprès des petites filles surtout. Et malheureusement, donc ça, c'est ça. C'est pas quelque chose de très, très génial. Par la suite, donc, on a au numéro 3 des gars qui se déguisent en filles affreuses. Et on donne comme exemple Marilyn Manson, Boy George. Également, Boy George, voilà. En fait, on donne surtout exemple Marilyn Manson et Boy George 2-3 fois dans ce top-là. Et on dit, en fait, ben, c'est sûr que c'est pas trop... Marilyn Manson, en fait, c'est une mode. C'est pas une mode nécessairement qu'il a lancée. C'était un peu pour accompagner ses albums, accompagner son image de mystique. Boy George également. Mais donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'être extraverti en musique, c'est tant mieux. Mais de là, aller se travestir pour faire des albums et vendre des copies, c'est sûr qu'il y a une limite. Le fait de la musique, on vous achète pas pour votre image, on vous achète surtout pour vos voix, pour vos talents de chanteur. Et dans le cas de Boy George et Marilyn Manson, ben là, est-ce qu'on parle vraiment de talent? Ce sont plus, bien sûr, deux images très, très corporatives qui vendent beaucoup d'albums. Par la suite, au numéro 2, des modes qu'il ne faut absolument pas qu'ils reviennent dans le milieu de la musique, il faut les empêcher. Eh bien, on a les batailles entre les rappers et les divas qui font beaucoup de profit puisqu'on achète les albums, bien sûr. On retrouve dans les derniers là, qui ont fait ça, On a entre autres Eminem et Mariah Carey qui sont en grosse chicane. C'est incroyable, ça chicane. Ça... Puis, tu sais, ils écrivent des chansons, ils font des vidéoclips donc à propos de cette chicane-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup d'argent. Donc quand même, ça leur revient. Ils chicanent, sont tellement méchants entre eux autres, mais ils font tellement d'argent avec ça qu'ils doivent en rire. Et ils se baignent dans vos dollars, mesdames, messieurs. Hein? Incroyable. On a également donc là-dedans Michael Jackson qui a eu des problèmes avec un rapper qui avait pris une partie qui avait pris le bridge ou le pont plutôt de la pièce Black or White pour faire donc de la musique là-dessus, faire des samplings bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut pas faire, mélanger les rappers et les divas, tout simplement. Éloignez-les le plus possible. Lorsque les Grammy, mettez-les donc dans une pièce séparée les uns des autres. Faites un Grammy donc en trois pièces différentes avec les vrais artistes d'un bar, les divas d'un autre, les rappers de l'autre. Et vous allez voir, ça va aller pas mal mieux. Il y aura plus vraiment de problèmes. Mais quand même, donc ça arrête pas. Ça a commencé dans les années 90. Et comme je le disais, donc il y a eu un petit soubresaut de ça il y a pas très longtemps avec Mariah Carey et Eminem donc qui se chicanent et c'est hilarant. Donc une très bonne façon de faire de l'argent avec des petites chicanes de niaiseuses, là, vraiment vraiment stupide. Et au niveau donc des pires modes, les modes qu'il faut jamais que ça revienne en musique, il faut les enterrer dans une boîte, les mettre donc sur une fusée, envoyer ça le plus loin possible dans le fond du cosmos. Au numéro 1, et c'est vraiment dégueulasse là. Donc les danses qui sont spécifiques à une chanson. Et là, vous me voyez venir tout de suite avec quelle est la chanson, par exemple, la pire. Là, je l'ai pas, n'ayez pas peur, je l'ai pas en musique. Mais donc, oui, c'est la Macarena surtout et le Achy Breaky Dance, hein, qu'il faut absolument, absolument que ça revienne jamais. Donc, ces danses-là spécifiques à une chanson. Et je pense même qu'il y en a on essaie en fait de ramener ça encore, donc les danses spécifiques à une chanson. Pas une très très bonne idée, c'est affreux. Et donc, on donne également comme exemple sur le site le Twist, le Nutbush, le Bust Up, Cabbage Pack, Achy Breaky Heart, bien sûr, pour Achy Breaky Dance, c'est également version québécoise, et la Macarena, qu'on déteste tellement. Et là, donc, on essaie d'en rajouter avec un rapper qui se nomme Soulja Boy. Fait une démonstration d'une danse qu'il faudrait faire lorsqu'on écoute sa musique. Et on essaie de ramener ça. Il faut absolument pas le faire. Puis c'est dangereux, là. C'est pas bon pour la santé mentale des gens. C'est la quiétinitude qui revient. Il faut absolument enterrer ça le plus loin possible. L'envoyer dans une astéroïde, quelque chose comme ça, parce que c'est affreux, ces modes-là. Donc, on avait au numéro 1, les danses spécifiques à une chanson. Au numéro 2, les batailles entre rapper et diva. Au numéro 3, on a les garçons qui se déguisent en filles pas très belles. Au numéro 4, on a le air metal. C'est également des garçons qui se déguisent en filles pas très belles. On aurait pu les mettre ensemble. On a ensuite mettre des chiffres dans les noms de groupes. Au numéro 5, de ces modes qui ne doivent absolument pas revenir au niveau de la musique. Au numéro 6, on a les groupes qui font, les super groupes en fait, qui font des chansons pour la charité, entre autres We Are The World et The Do They Know This Is Christmas, bien sûr. Et au numéro 7, donc on l'a fait à l'envers dans le fond, qui sont des choses qui ne doivent pas revenir, des modes qui ne doivent pas revenir dans la musique, c'est l'exploitation des enfants dans le rap, avec entre autres Lil Bow Wow et tous ces jeunes qui ont été utilisés bien sûr pour faire de l'argent à leurs parents. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Jab Jab Bar. On s'appelle et on déjeune le matin. Ça fait. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et équitérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.